Il se trouve qu'il m'a été donné d'écrire en français, mais j'ai une conscience très aiguë, je crois, du fait que ça aurait pu être une autre langue, par des hasards familiaux, géographiques, historiques, politiques, etc., comme tout un chacun. Mais j'étais située dans un endroit du monde où on parlait trois langues, le français, mais aussi l'espagnol et le basque. Et stricto sensu, ma langue maternelle, c'est le basque. C'était la langue de ma mère. Mais moi, j'ai parlé français. Et je me suis mise à écrire dans cette langue qui était la langue de l'école. C'est tout de suite dans cette langue que j'ai abordé la littérature, disons. Mais j'ai cette conscience très, disons, particulière, oui, que c'est pas un état de nature, le français. Je le parle pas, je l'écris encore moins sans y penser. Quand je l'écris, je sais dans quelle langue je parle et je sais quelles sont ses contraintes à cette langue. Et je sais que, par exemple, le français a des faiblesses sur le plan des pronoms personnels, par exemple, ou que c'est sa construction avec les relatives est beaucoup moins rigolote que, par exemple, en basque, ou que il va être sur certains domaines plus précis que l'anglais, sur d'autres moins. Bon, je sais pas. Je sais quel matériau je manipule. Bon.